C'est Charlie et vous êtes avec moi en direct sur Comfort. Ceux qui sont sur Insta, je le répète, si vous voulez participer, réagir, rejoignez-moi, vous avez le lien épinglé en commentaire, bit.ly/charliecomfort. C'est là que vous pouvez commenter, l'inscription est gratuite et du coup vous pouvez réagir sur le chat. Donc, bienvenue sur le Before Two. Grave, j'ai chaud. Bienvenue sur le Before Two, l'émission culturelle. On va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va parler de sexe, voilà. On va parler de masturbation, on va parler de chlamydia, on va parler de podcast et on va tester un sextoy. Tout ça à la fois, c'est totalement crazy. En gros, la masturbation est à l'honneur. En fait, tout est parti d'un article de Maya Mazorette dans Le Monde où elle évoque les bienfaits de la masturbation partagée à deux. Oui, ce n'est pas que quand on est adolescent et qu'on a 13 ans et qu'on se réunit en bande de potes en se disant « Les gars, on se masturbe tous ensemble, il y en a un qui a réussi à choper en haute vidéo !» Voilà, on peut aussi partager ça en couple. On va rentrer un petit peu plus dans le détail et du coup, en fouillant un petit peu, en lisant des trucs, je pense qu'on va avoir plusieurs sujets sur la masturbation, étant donné que il y a des trucs hallucinants, quoi. Je vais pas tout vous dévoiler. La suite, ça sera dans la prochaine émission. On va déjà s'attaquer à celle-là. Alors, on va commencer par un premier truc. On va pas parler tout de suite de masturbation. Je vais vous parler d'un podcast. Un excellent podcast, en fait, qui est réalisé, dit tout ça, par Anouk Perry, qui est produit par Nouvelles Écoutes et qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et notamment sur nouvellesécoutes.fr. Et le podcast s'appelle « Qui m'a filé la chlamydia ?». Vous avez 5 petits épisodes. Et en fait, ça part d'un truc tout simple. La nana qui fait le podcast, Anouk, donc, raconte que début janvier 2000, je ne me rappelle pas les dates, 2017, 2018, on s'en fout, je n'ai pas la mémoire des dates, elle reçoit un texto d'un partenaire sexuel qui lui dit « J'ai fait un test, j'ai été dépistée à la chlamydia, donc je te conseille de faire le test. » Et à partir de là, elle s'est fait un petit podcast, c'est une espèce de petite enquête pour savoir qui lui a filé la chlamydia. Et à partir de ça, et ben en fait, pendant ces 5 épisodes, ils durent en gros une vingtaine de minutes chacun, ça s'écoute, c'est assez drôle. Et à partir de là, t'as plein d'infos à la fois sur la chlamydia, sur le fait que c'est pas très grave, et aussi, mais sur plein de trucs, genre t'as des infos... En fait, elle interview, on reprend, Anouk Perry. Donc, elle se dit, mais mon dieu, qui donc m'a filé la chlamydia? Et en fait, elle dévoile un petit peu plus et puis elle dit, en fait, le truc, c'est que, donc, c'est Davy qui m'annonce qu'il est dépisté à la chlamydia et qu'il faudrait qu'il prévienne, que je prévienne mes autres partenaires. Mais il se trouve que, un petit peu avant qu'il m'annonce ça, genre un mois avant, avec Davy, on s'est fait un petit plan à 5, une petite orgie, une petite partouze. Et du coup, elle va aller faire des petits portraits et interviewer chacun des participants à cette orgie, parce que c'est là que tout s'est déclenché, a priori. Alors, au milieu, régulièrement, il y a une gynéco qui est invitée, qui intervient pour donner des infos intéressantes par rapport à la chlamydia, par rapport au risque, par rapport à la prévention, par rapport à la guérison, etc. Alors la chlamydia, c'est quoi? C'est une infection sexuellement transmissible qui en soi n'est pas très grave, qui se soigne assez rapidement. En fait, c'est une prise d'antibiotiques et t'es soigné. Par contre, apparemment, c'est des antibiotiques hyper forts qui te défoncent le ventre, machin, tout ça. Ça envoie. Par contre, une prise, c'est fait, c'est... voilà. Par contre, j'ai appris que la chlamydia, c'était extrêmement transmissible, mais vraiment extrêmement. C'est-à-dire que c'est une bactérie qui va se transmettre, même si tu baises avec capote, si tu as des rapports oraux, donc cunis, fellation, si tu doites, etc. Rien que par là, ça s'attrape. Ça va très très très très vite. C'est extrêmement transmissible par toutes les muqueuses, en fait. Donc, ça va hyper vite. Ce que ça fait... Alors, Au départ, ça, le truc, c'est que ça ne se voit pas forcément. C'est une infection qui ne donne pas forcément de symptômes visibles. Après, ce que ça peut faire, chez les mecs, un espèce de prurite au niveau du gland ou des écoulements blanchâtres. Chez les nanas, ça peut faire une infection au niveau du col de l'utérus, des douleurs pendant des rapports sexuels, des saignements en dehors des règles, des pertes, etc. Voilà, c'est la damoclamydia, exactement. Et le truc, c'est que si c'est assez facile à soigner, mais si c'est pas soigné, ça peut devenir plus chiant parce que ça peut amener jusqu'à la stérilité. Donc le dépistage, c'est assez rapide, et le pour que ce soit soigné, c'est ultra rapide. Tu te défonces, tu prends une fois des antibiotiques, t'es défoncé pendant une semaine aux antibiotiques, mais du coup t'as plus de chlamydia. Et du coup des salpingites aussi, exactement. Et du coup, ce qui est excellent, c'est que à travers sa petite enquête pour savoir qui lui a filé la chlamydia, ben, Anouk Perry nous parle de plein de trucs en fait, et nous parle de la sexualité, de la vie actuelle. T'as un truc sur, je crois que c'est l'épisode 2, ah oui, j'avais oublié de vous dire, on avait fait une petite orgie un plan A5, donc comment organiser une orgie un plan A5? Ah oui, je vous avais pas dit, dans cette orgie, il y avait un mec trans en fait. Alors, comment ça se passe avec un mec trans qui du coup a gardé sa voix féminine, a encore ses seins, a encore sa vulve, et comment t'abordes les choses? Et du coup, Isaac, qui est le mec trans, qui lui dit, ah ben moi j'étais un peu emmerdée pour venir à cette orgie, au départ j'étais pas prévue, et du coup j'étais vachement emmerdée par rapport, pour moi c'est important le consentement, et puis j'avais peur, c'était la première fois que je couchais avec des gens que je ne connaissais pas d'avant ma transition, et c'est la première fois que je couchais avec des gens en tant que mec trans, mais qui a gardé ses attributs féminins, comment ça allait se passer, et en fait j'ai juste dit, comment ça se passe, on fait quoi ben moi j'ai pas envie qu'on me touche les seins, et tout le monde a dit hop, bah ok, voilà, c'est bon. Et puis d'un coup tu t'aperçois que ben, y a un mec, il a un petit souci, et du coup le trans, il l'a pas approché, il lui a pas parlé, c'est ouh, je veux pas en savoir plus. T'as des infos aussi sur c'est quoi pratiquer le sexe safe, comment voilà, capote, pas capote, les infections, la chlamydia c'est pas très grave, après il y a d'autres MST ou IST qui peuvent s'attraper, donc voilà, t'as des infos là-dessus. T'as une des nanas, elle est en couple libre, alors comment ça se passe, un couple libre, etc. Comment ça se passe aussi quand t'as une IST et que la logique, le truc, c'est quand même d'informer tes partenaires, en fait, du moment où tu le sais, c'est de prévenir. Et en fait, Anouk Perry, elle a un côté, il est frais, il est léger son podcast, il est drôle, ça s'écoute hyper simplement, t'as plein d'infos intéressantes. Et puis, il y a un côté, rendons les choses simples, en fait. C'était le sexe, ça peut être juste du fun. Et après, tu dois annoncer que t'as une IST, d'un coup, oh mon Dieu, c'est la honte et tout, c'est hyper grave. Mais ce n'est pas grave, t'as juste à le dire. Et c'est pas très grave, en fait. Et le prétexte, c'est qui donc me l'a refilé, c'est qui le coupable? Et en fait, au final, c'est pas très important qui est le coupable. L'important, c'est de prévenir tes partenaires, les anciens, les futurs, histoire d'être sûr, quoi. Parce qu'au moment où tu te fais dépister, vu que des fois, tu peux ne pas avoir de symptômes, tu sais pas depuis combien de temps tu as la chlamydia, en fait. Et en fait, t'as juste à le dire. Et il n'y a rien de grave, en fait. Alors là, dans le petit groupe de 5 et qui se sont fait une petite orgie, tout le monde se fait dépister et le prend pas mal. Après, il y a un partenaire, un plan cul Tinder qui, lui, ne répond pas d'autre, rien d'autre que ah bah, c'est ça de coucher avec une salope de Tinder. Donc tu te dis, ok. Et en fait, c'est... voilà, t'as un petit... une petite tranche de vie de... ça peut être quoi la sexualité aujourd'hui en 2018 et le rapport aussi aux IST, à la prévention, au sexe ludique, et d'inclure le sexe ludique n'empêche pas d'être responsable et de ne pas faire n'importe quoi, en fait. Donc, franchement, je vous le conseille, c'est sur nouvellesécoutes.fr, c'est ça, et ça s'appelle « Qui m'a filé la chlamydia ?» C'est très très bien foutu, et c'est t'as plein d'infos, il y a plein de sujets abordés, c'est voilà. Je crois que je vais m'intéresser de plus en plus aux podcasts, parce qu'il y a quand même vraiment plein de choses qui sont faites par les podcasts, et voilà, ça vaut vraiment le coup. Donc ça, c'était la petite suggestion de la semaine, le petit truc à écouter parce que ça le fait bien, quoi. Ça le fait bien. Du coup, je vous propose un petit morceau de musique. Un petit morceau de musique, c'est qui? C'est les Wampas. C'est quoi des Wampas? Eh bien, c'est Touche Pipi. Viens donc au pays du Touche Pipi. Et nous allons parler dans quelques instants de masturbation. Oh, j'ai coupé le son. J'ai voulu faire un effet, je l'ai totalement raté. Voilà. Alors, je reprends. Et nous... Non! Nous allons parler dans un instant de masturbation. Pourri mon méfait. Si tu ne sais pas quoi faire avec ton petit zizi, des choses élémentaires avec ta petite amie, à solitaire. Les bons pas sont experts. Oh oui! Pardon, excusez-moi, je m'emballe. C'était donc. Non, tu t'arrêtes toi. C'était donc les Wampas! Le touche-pipi, viens avec nous au pays du touche-pipi, l'époque où les Wampas étaient encore les Wampas et non plus Didier. C'est devenu un peu lamentable, mais ça, c'est une petite parenthèse que nous allons refermer tout de suite. Voilà. Je viens de vous parler donc de l'excellent podcast qui m'a filé la chlamydia de Anouk Perry sur Nouvelles Écoutes, qui est disponible sur SoundCloud, Podcast, Deezer, iTunes, etc., etc. Maintenant, je fais pas qu'écouter des trucs, je lis aussi des articles. Ouais, j'adore lire, j'ai appris à lire quand j'étais petite, et je m'en sers de cet outil, c'est merveilleux. Alors, je vais vous parler d'un article qui m'a fait hyper plaisir pour plusieurs raisons. D'une part parce qu'il est écrit par Maya Mazorette et qu'elle a une plume que j'aime beaucoup, elle raconte des trucs intelligents. Vous la retrouvez, Maya Mazorette, elle signe des articles régulièrement sur Le Monde et c'est elle qui tient la rubrique Sex Actu sur GQ Magazine. Première chose. Deuxième chose, elle parle de la masturbation en sortant un petit peu la masturbation du placard. On va en parler dans un instant. Et petit plaisir égotique, j'avoue, hein. C'est une autre manière de spignoler, je veux dire. C'est que du coup, elle cite dans son article les lectures érotiques de Charlie, qui peuvent être un support masturbatoire si on aime, si les mots érotiques nous excitent. Et ben moi, de voir mon podcast, hein, si vous connaissez pas les lectures érotiques de Charlie, c'est un podcast que je fais vivre depuis 2 ans, 3 ans, je ne sais plus, où je lis des extraits de textes érotiques, ça vous fait découvrir plein de bouquins et la littérature érotique. Et du coup, et ben... qu'il y ait le nom de mon podcast dans Le Monde, c'était ma petite pignole intello à moi. Voilà, ça fait du bien, tu te dis « Ah oui, ah oui !» Voilà. Alors maintenant, parlons pignole physiologique, parlons masturbation, pratique également connue sous le nom de onanisme, et qui a un temps, notamment 19e siècle, au niveau de la répression, au niveau de la masturbation, on était high level, ça a eu des petits surnoms par l'église comme abus de soi, etc., etc. Je consacrerai dans la prochaine émission, la semaine prochaine, un petit passage dédié juste à la répression de la masturbation, notamment au 19e, 18e et 19e siècle, et les horreurs absolues qui ont été pratiquées pour empêcher la masturbation. Bref, on peut l'appeler aussi auto-érotisme, la masturbation. Et du coup, Maya Mazorette partage un petit article où ça s'intitule « Partager, guider, transcender, la masturbation n'est pas qu'un plaisir solitaire ». Et parce qu'en fait, la masturbation... On n'est plus au stade, quoique, où la masturbation c'était carrément un péché, interdit, tu risquais de mourir si tu t'en masturbais. En tout cas, dans les pays occidentaux, ça va, ça passe. On est au stade où la masturbation, et alors ça c'était il y a 3 ou 4 ans, j'avais fait un petit micro-trottoir. au Festival d'Avignon et sur la plage du Cap d'Agde. Un petit micro-trottoir avec des questions liées à la sexualité. Les gens piochaient une petite question au hasard. Et à la question « Est-ce que vous vous masturbez ?» ou « C'est quand ?» Eh ben, il y a plein de gens, quand ils étaient en couple, qui me disaient « Non, mais moi, je suis en couple, je me masturbe plus, c'est pas la peine. » Alors, la masturbation et avoir un rapport sexuel avec quelqu'un, ce n'est pas la même chose. Ou alors, vous baisez hyper mal, hein, parce que baiser, comme on se masturbe... Moi, perso, qu'un mec se masturbe à l'intérieur de moi, il se prend un coup de latte, le gars, en fait. Mais tout comme un mec qui sert juste de sextoy à une meuf, si c'est pas voulu et que c'est pas dans un jeu, c'est pas très cool. Mais du coup, la masturbation, ça a encore un peu ce truc de « ça va bien quand t'es minot, quand t'as 14 ans, c'est normal, tu découvres, vas-y, tranquille, vas-y, t'as le droit, vas-y, tu découvres la vie, c'est normal, t'as de l'acné, tu chopes pas, branle-toi, c'est bien. » Après, quand t'es casé, quand t'es en couple, quand t'es marié, ne te masturbe plus, c'est mal. D'ailleurs, il y a encore pas mal de meufs qui prennent hyper mal que leur mec se branle sur un porno. Ah mon Dieu, tu me trompes ! Non, je ne te trompe pas, je me branle, chérie. Oui, mais tu me trompes ! Je vais pas non plus te faire chier, t'es en train de faire ta compta. Si je te dis, tu veux pas me sortir, me faire un petit strip et je me branle devant toi, ça va pas forcément passer. Donc, c'est, ou alors, c'est relégué aussi aux obsédés sexuels qui ne peuvent pas se retenir, ou alors aux losers qui ne sont pas capables de pécho et qui sont obligés de se branler. Donc, ça a encore un petit côté, c'est une pratique sexuelle de seconde zone. Et du coup, Maya Mazorette dit, non mais il n'y a aucun code pénal qui interdit la masturbation dans les rapports de couple. Donc déjà, quand on le fait solo, c'est pas forcément parce que moi, des fois, j'ai envie de me masturber. J'ai pas envie de baiser avec mon mec ou avec qui que ce soit. J'ai envie de me masturber. Tout simplement parce que de manière hyper égoïste, et quand je me branle, je ne m'occupe que de ma gueule, en fait. Quand je fais l'amour, ou que je baise, appelons-le comme on veut, on s'en fout, ne mettons pas de romantisme dessus. Quand je baise avec quelqu'un, ben, il y a quelqu'un en face, c'est un humain. Donc, des fois, de manière très égoïste, j'ai pas envie de prendre en compte quelqu'un d'autre, j'ai juste envie de me branler, quoi. Que ça dure 2 minutes ou 25 minutes, j'ai envie de me branler à ce moment-là. Donc ça, c'est une chose. Mais surtout, Maya Mazorette dit, les gars, on peut aussi se masturber en couple. On peut l'inclure comme une pratique sexuelle comme une autre, en fait. On n'est pas obligé de toujours se pénétrer les uns les autres. On n'est pas obligé, quoi. Elle dit, sortons un petit peu de la reine pénétration et on peut aussi se branler à deux. Alors, parce que déjà, l'autre peut ne pas avoir envie ni d'être bisouillé, ni d'être pénétré, ni de pénétrer, ça va dans les deux sens. Et du coup, bah, tu peux te masturber déjà, alors elle donne plusieurs possibilités, tu peux te masturber en te regardant l'un l'autre. Tu te fais face, l'un face à l'autre, et chacun se masturbe devant l'autre, waouh, ça peut être hyper chaud. Et du coup, ça demande d'oser se livrer. Ça demande d'oser s'exposer et de montrer à l'autre quelque chose que on a encore ce rapport à la masturbation où c'est le truc qu'on fait tout seul planqué quand t'es sûr que personne peut nous voir. Et même, alors, maintenant, ça y est, alors, faut dire que quand je fais de la cam, je me branle beaucoup en public. Hein, voilà, je dois le dire. Donc, automatiquement, mais à un moment donné, je faisais de la cam, je me branlais devant des centaines de personnes, plusieurs fois par semaine, mais me branler devant mon mec, j'avais honte parce que tu comprends, c'est privé, faut pas que tu vois, mais c'est stupide en fait. Donc, du coup, maintenant que je me branle devant des centaines de gens, devant mon mec, toute seule, mais il n'y a pas de honte, il n'y a pas de, il n'y a pas du coup de culpabilité non plus. Parce que, et ça, moi je le ressens aussi avec pas mal de mecs, et je le ressens même en faisant des cams, dans les cam to cam, dans les shows privés, des fois tu vas sentir une attitude chez le mec où tu sens qu'il a honte, où tu vas avoir des mecs qui vont être, qui vont avoir une intention assez humiliante. Parce que d'un coup, c'est comme j'ai honte de ce que je suis en train de faire. Attendez, imaginez bien. C'est-à-dire que je me branle devant une meuf que je paye. Je me paye les services d'une pute virtuelle, quoi. C'est hyper honteux. Et du coup, je vais t'insulter pour décharger la honte que j'ai de moi sur toi. Je parle pas de l'insulte, de dirty talk, t'es vraiment dans un cadre. Là, je parle de l'intention. Il y a des personnes où il y a une intention, tu sens une intention pas très cool en fait. Et c'est juste lié à de la honte en fait. Il y a aussi des gens, alors qu'ils vont s'offrir un chocam, qui vont pourtant avoir honte de ce qu'ils font. Donc, oser se branler en couple, c'est sortir de cette honte de la masturbation. Ce n'est pas sale, ce n'est pas mal. Et du coup, c'est aussi enrichir et élargir les possibilités de notre sexualité à deux. Donc, ça peut être du coup de faire découvrir, c'est un moyen de faire découvrir à l'autre ce qui nous excite. C'est un moyen, lâchons la pudeur, partageons, puisque quand tu es en couple, a priori, le truc sympa, ça va être de pouvoir partager, d'oser être. Enfin, perso, on le fait tous. Hein. Au début, quand tu es en couple, pour séduire, souvent, tu as placé une petite image de toi parfaite, ok, pour séduire. Et il y a des parties de toi que tu n'as pas trop envie de montrer, parce que tu en as un peu honte, parce que tu les juges, parce que ci, parce que ça. Après, tu peux rester comme ça toute ta vie, je trouve ça horrible. Mais c'est très personnel, parce qu'en fait, où est la liberté? Pour moi, aimer quelqu'un, c'est l'autoriser à être libre et s'autoriser à être libre avec lui. Donc du coup, la réelle liberté, c'est pas forcément elle va niquer avec tout ce qui bouge. Ça, c'est... on s'en fout, c'est un préétabli entre eux. Mais par contre, la vraie liberté, c'est d'oser être la totalité de ce qu'on est avec l'autre, en fait. Alors, le problème, c'est que souvent, il faut déjà oser l'être avec soi. On est en train de dévier du sujet. Bref, se masturber devant l'autre, du coup, tu vas aussi peut-être exposer tes fantasmes. L'autre peut te guider. L'autre, pendant que tu te masturbes, peut juste être un voyeur qui te mate. L'autre peut t'encourager. L'autre peut te partager ses propres fantasmes. Et du coup, en partageant vos fantasmes, vous allez trouver des points, de nouveaux points d'excitation, de nouveaux horizons érotiques à explorer ensemble. Et après, il peut aussi y avoir, elle parle des... il peut y avoir aussi la masturbation guidée. Alors, c'est très fréquent dans le BDSM où le dominant ou la dominante va guider vraiment son soumis ou sa soumise dans la masturbation. Masturbe-toi à telle vitesse, fais-le dans tel endroit, fais-le la fenêtre ouverte que les voisins puissent te voir, porte un plug pendant la journée, fais ci, fais ça, interdis-toi de jouir, mets-toi sur le bord, tu ne jouis pas. Mais on peut aussi le voir, plutôt que comme si on n'est pas branché BDSM, comme un moment de comment on arrive à un moment de communion ensemble et de confiance absolue. Donc on peut se laisser aussi guider par l'autre pour une masturbation. On peut aussi, elle parle de ce qu'on appelle les masturbations augmentées. Alors la masturbation augmentée, évidemment, si on est tout seul par exemple, tu peux te faire une petite vidéo de Jerk of Instruction, c'est donc la masturbation guidée. Mais tu peux aussi, donc du coup, te servir de l'audio, les lectures érotiques de Charlie. Mais il y a aussi, il y en a d'autres, hein, Contrôle X, Le Verrou, Le Cabinet de Curiosité. Il y a un truc, il faudrait que j'aille écouter, Vox, c'est un podcast qui propose des masturbations guidées pour les femmes. Parce que des fois aussi, ça peut être, ça peut être de faire ça à deux ou seul, parce que d'enrichir la pratique de la masturbation en couple et aussi quand on est tout seul en fait. Donc elle donne comme ça plein de pistes et y a aussi des masturbations méditatives. Il y a eu toute une mode à un moment donné de méditation orgasmique où du coup tu médites, tu te mets dans un état de... Et pour être mieux connecté, on vient te titiller le clitoris. Mais au-delà de ça, moi ça fait un peu rire ça, mais pardon, c'est moi, je suis moqueuse. Mais ça peut juste être un moyen, la sexualité peut être un moyen de connexion à de la spiritualité, à quelque chose de plus grand. Les spiritualistes, eux, te disent, non, la plupart des spiritualistes, la plupart, hein, tout est lumière, tout est beau, mais il y a des petites choses qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont pas le droit d'exister, dont on ne parle pas, le cul, l'argent, la colère, voilà. Est-ce que le yoga n'est pas lié à la masturbation aussi? Alors, j'ai vu un film de cul qui s'appelle Sex Yoga, où dedans ils font du yoga tantrique. Donc à ce moment-là, du moment où il y a tantrique, tu peux te dire qu'il va y avoir du cul avec. Tout le tantrisme aussi. Pratiquer le tantrisme, ça peut être aussi un moyen d'explorer d'autres manières de se masturber à deux, en fait. Donc, voilà. Moi, j'aime bien cet article. Il est assez intéressant. Je vous conseille d'aller le lire. Tous les liens, vous les retrouvez sur mon site charlie-liveshow.com. Je vais vous sortir d'ailleurs le lien du Before Tool d'aujourd'hui, que vous ayez le programme pour retrouver le podcast qui m'a filé avec la pizza et l'article aussi fort intéressant de Maya Mazorette, parce que mine de rien, sous couvert d'un petit truc léger et où elle t'explique comment tu peux ouvrir, comment tu peux intégrer la masturbation comme une pratique sexuelle à part entière, du coup sortir de la pénétration reine, c'est-à-dire que hors pénétration, point de rapport il n'y aura, elle parle aussi du fait de se dévoiler, de la pudeur, etc. Alors moi j'extrapole un petit peu, j'aime bien élargir, vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, c'est vraiment intéressant. Et elle parle évidemment à la fin de on peut aussi tester la masturbation en public. Alors, si tu fais ça en public dans la rue, voilà, de t'exposer, tout ça, parce que dans la masturbation en couple, il y a aussi le fait de se masturber devant quelqu'un, d'être vu, ça peut rajouter une grande partie d'excitation en fait. Mais du coup, le faire dans la rue, comment vous dire, tu risques quand même 15 000 euros d'amende pour exhibition, c'est un peu chaud patate, quoi. Par contre, il y a des sites de cam, quoi. Et ben voilà, moi c'est comme ça que j'ai découvert que j'aimais me masturber devant des centaines de gens. Voilà, parce que du coup, pour moi, quand j'ai une relation sexuelle avec un partenaire, c'est une chose, avec un plaisir particulier. Quand pour moi, c'est des relations sexuelles en cam, quand elles sont en tête à tête, c'est encore un autre plaisir. Quand elles sont en public où tu t'exposes, etc., c'est encore un autre plaisir. Quand je me masturbe devant mon mec, c'est encore un autre plaisir. Et quand je me masturbe toute seule aussi, parce que ça ne veut pas dire qu'il faut toujours tout montrer, mais c'est juste enlever la charge du secret en fait. Et ben c'est un autre plaisir aussi, quoi. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller lire l'article de Maya Mazorette, il y a plein de pistes. Alors, on va s'écouter un petit morceau de musique. J'adorais me masturber au fond de la classe, mais j'étais ado. Mais bah bravo, bravo, ah bah bravo. Oui, mais après j'imagine que les autres ne le savaient pas. Donc, on va se mettre un peu de zik, si du coup c'est le moment, si vous voulez, je vais baisser un peu le son, mais si vous voulez réagir au sujet, etc., franchement, allez-y, c'est le moment, moi j'aime l'interaction en fait. Alors on va s'écouter quoi ? On va s'écouter une nana qui se masturbe et qui y va. C'est un morceau, c'est pas tout jeune, mais parce que Brassens on se rend pas compte, mais il était quand même assez transgressif, il parlait clairement de cul. On va s'écouter Mélanie de Brassens, c'est pas piquer des vers. Attention. Les chansons de salle de garde ont toujours été de... En vrai, je vais vous saouler de parole. Voilà, merci Georges. Merci Georges. Il y en a un autre aussi où c'est une je sais plus, je l'ai pas retrouvé, c'est une bonne sœur qui s'enfile des cierges dans le... Ça envoie quoi. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Brassens avait une vie sentimentale hyper haute pour sa génération. Donc, oui, c'est ça, tout à fait. Alors, du coup, on vient de parler de la masturbation, etc., sortir de la honte, etc. Je reviendrai un peu plus longuement sur l'histoire de la masturbation, les évolutions, tout part de... Il y a l'histoire de Onan, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs intéressants. Déjà, je vais regarder les commentaires à la fin de l'article de Maya Mazorette. Parce que maintenant, vous allez voir que à une époque, notamment 18-19e, début 20e, la masturbation a été extrêmement mal vue. Mais c'est-à-dire mal vue à un point de fou. On te disait... que dans des bouquins médicaux, en fait, c'était des idées reçues qui étaient principalement véhiculées par des religieux et par des médecins. On te disait que, en fait, te masturber, ben, en fait, tu pouvais mourir. Tu perdais la raison, tu devenais faible, anémique, t'avais la tuberculose et tu mourais de consomption mortelle. En gros, il y a vraiment eu un truc un peu chaud patate, quoi. Donc, il y a eu des instruments de torture mis en place, etc. Donc, ça a été un peu chaud patate, quoi. Moi, je lis ça, l'article de Maya Mazoret, je me dis, ouais, maintenant, tout le monde est au courant que la masturbation, ça rend pas fou, ça rend pas sourd, les préjugés sur la masturbation. Et je vais voir les commentaires à la fin de l'article sur Le Monde. Quelques commentaires. La masturbation n'est une aide et un pis-aller que pour les obsédés sexuels, c'est une insulte faite aux femmes. Ok, retour en arrière, retour vers le futur, tu te dis, waouh, on en est là. Alors du coup, il y a une nana qui répond, oh que non, il me fout la paix pendant ce temps, j'ai une paix royale. Et du coup, et elle continue, quand je pense qu'il fut un temps où la femme devait remplir son devoir conjugal en supportant les assauts du mal, en laissant avec de gros efforts un corps étranger vous pénétrer, finissant heureusement, une pensée pour toutes mes ascendantes et ce qu'elles ont dû subir. Bon, tu sens qu'elle en a un peu gros la meuf, hein. Peut-être que son mec est très très chaud du cul, elle en peut plus, je ne sais pas, mais voilà, c'était... Et il y a quelqu'un qui lui répond, si la masturbation de votre mari vous fait une paix royale, vous ne devez pas aimer peut-être votre mari. Alors, d'où le cul et l'amour, ça va forcément ensemble. Déjà, non. Moi, j'aime des gens avec qui je ne couche pas. Oui, oui, oui. Et j'ai déjà couché avec des gens que je n'aimais pas. Ou une heure, voilà. J'ai vu la news en écoutant Alex Vizorek. Ah. Donc, alors attendez, vous me parlez de trucs, j'ai pas vu. Et du coup, il y a aussi, moi, sur ma vidéo, j'ai pas tout lu de ce que vous m'avez dit. Il y a aussi... il y a une vidéo où il y a un imam qui explique que si tu te branles, ta main sera enceinte quand tu seras mort. Non, ça, j'avais pas vu ça. Ça, c'est assez fort. Par contre, moi, je sais que sur une de mes vidéos YouTube, le test de sextoy, non, c'est une vidéo où je parle de la masturbation et de oser la masturbation. Il y a quand même une jeune fille qui m'a laissé un message en me disant « Charlie, je voulais te demander... c'est, est-ce que du coup j'ai 14 ans et du coup je viens d'avoir mes règles et du coup je voulais savoir si en me masturbant je pouvais tomber enceinte. Ok, c'est 25% des nanas qui ne savent pas qu'elles ont un clitoris. Donc il y a encore un petit peu du boulot quoi. Il y a encore un petit peu du boulot et les préjugés sur la masturbation, on est loin d'en avoir fini. Donc moi, ce que j'ai entendu, évidemment, la masturbation, ça rend sourd. Voilà. Est-ce que vous en avez d'autres, vous, en tête, là, de préjugés sur la masturbation? Parce qu'après, j'ai cherché, j'ai tapé sur Google. Enfin, pas tout à fait. Sauf si elle le fait sans capote et qu'elle tombe enceinte. Mais non, Anthony, la masturbation, tu ne peux pas tomber enceinte en te masturbant. D'où une main peut te rendre enceinte? Tu ne peux pas tomber enceinte en te masturbant, en fait. C'est impossible, en fait. Après, quand tu niques avec une capote, la capote, ça peut arriver qu'elle éclate, etc. Il n'y a pas de risque zéro, quoi. Mais tu ne peux pas tomber enceinte en te masturbant. Il y a encore plein de nanas qui ne savent pas. Il y a des nanas qui aussi ont peur de se masturber parce qu'elles ont peur de percer leur hymen, par exemple. Il y a encore plein de trucs un peu chaud patate, quoi. Du coup, je tape sur mon petit moteur de recherche Quant. Je vous conseille ce moteur de recherche. Contrairement à Google, il ne garde pas tes données, il ne te flique pas. C'est très sympa. Moteur de recherche français, si je ne m'abuse. Hein, un petit peu chauvinisme. Donc, je tape. Alors... Se masturber avec la queue de ton mec en toi, mais ça ne s'appelle plus de la masturbation, ça s'appelle un rapport sexuel lamentable. Mais la masturbation à la base, tu ne te masturbes pas avec une bite, quoi. Donc, le moteur de recherche, comment je l'écris? Comme ça. Je vous le conseille. Hop là. Donc, sur Quant, je tape les méfaits de la masturbation, histoire de voir un petit peu sur quoi je tombe. Et là, je me dis, mais non! Alors, je suis tombée sur deux articles. Les deux sont signés de Sérigné Lamine Barafal. Et il y en a un troisième qui, lui, est signé de Sérigné Sambandiaye. Je me demande si c'est pas un peu les mêmes. Et c'est des sites principalement sénégalais. Et c'est un truc de fou. Donc, l'article, il est... de quand il date? J'ai pas fait gaffe à la date. 2012. Hein, voilà, donc 2012... On n'est pas très très vieux, hein, on est, voilà. Ah non, attention, le dernier, 26 septembre 2018. Ça s'appelle Les inconvénients de la masturbation, rétrécissement du pénis. Vous êtes prêts ? On va arriver sur du très très lourd dans le genre de conneries que tu peux lire sur le net. En fait, il t'explique que la masturbation, c'est extrêmement dangereux. Il te dit que ça vient du mot latin masturbatio, manus signifiant main et stupratio signifiant action de souiller. Alors, cher Sérinier Lamine Barafale, j'adore l'étymologie, j'ai donc été voir évidemment sur le Wiktionnaire et sur Wikipédia. D'ailleurs, si vous, comme moi, vous vous servez régulièrement de Wikipédia comme de Wiktionnaire, pensez de temps en temps à leur faire un petit don de 2 €. Pour vous, c'est rien. Et pour eux, c'est cool parce que s'il y a plein de gens qui font ça, voilà. Alors en fait, pas du tout. En fait, il y a plusieurs... Je l'ai perdu. Il est où ? Ah, j'ai pas retenu. Ah, mais crotte alors. Il y a deux étymologies possibles en fait. Alors, il y en a une qui est amenée par... Putain, je veux la retrouver parce que c'est génial en fait. Je trouve ça génial. Il y en a une, en fait ça s'appelle, je vais m'en retenir, je sais plus qui c'est qui a inventé ça. C'est la mastupration qui vient de main et de action de souiller en fait. Et par contre, la masturbation, parce que du coup à un moment donné les deux mots coexistaient, ça vient du latin, le verbe masturber vient du latin masturbari venant lui-même de mal et agité. Ou alors il y a une autre possibilité, c'est, je sais plus ce que c'est, mais souiller, c'est mastupration en fait. Et ça a été un mot qui a été utilisé, je sais plus qui c'était, Ronsard, Rabelais, je ne sais plus. Du coup, ça c'était, ah merci Anthony. Donc du coup, ça c'était le mot mastupration, où on amenait déjà le côté très moral. Donc, voilà. On continue. Donc, la masturbation est une stimulation des parties génitales permettant d'avoir du plaisir ou d'en donner. Elle provoque un bien-être et une grande détente. La masturbation a ses inconvénients. Il est un danger chez les hommes. Mais quand même, il y a moyen d'arrêter la masturbation. Attention, il continue, monsieur Sérinier, Lamine Barafale, dans la grande connerie. La masturbation peut détruire radicalement votre vie. Et lorsque vous vous branlez régulièrement, vous risquez de vite devenir accro. Et malheureusement, ça va finir par se traduire par un besoin quotidien. Attention à l'explication scientifique. Similo-scientifique. Au travers du pénis, passe de l'air humide qui passe par la vésicule séminale, puis au système lymphatique arrivant au cerveau, produisant un choc thermique et des espaces froids entre les neurones et les cellules cérébrales. Voilà, là j'ai appris que pour un mec, en fait, quand tu te branles, il y a donc de l'air froid qui rentre et qui fait que tu as froid au cerveau, du coup. C'est quand même... Ah, je trouve ça joli. Il faut savoir qu'il y a encore des gens Regardez sur Facebook, il y a le groupe des platistes, hein, persuadés que la Terre est plate. Et il y a 300 adhérents quand même. Voilà, c'est... Voilà. On continue, parce qu'il y a des explications. Attention, c'est étayé, quoi. Donc, chez les adolescents, la masturbation peut entraîner certaines conséquences comme un développement anormal par manque de ces substances ou énergie. Voilà. Du coup, parce que la substance que tu perds quand tu te masturbes va te manquer. Voilà. Et du coup, tu vas devenir une personne fainéante, molle et complètement désertée. Tu es vide. Voilà. Tu es catatonique quand tu te masturbes. La masturbation expulse aussi le calcium du corps. Voilà. À chaque fois que tu te masturbes, tu craches du calcium en fait. Et du coup après, tu as des douleurs osseuses. Hein, voilà. Celui qui se masturbe peut provoquer des troubles pour toute sa vie. Parce que du coup, ta moelle osseuse ne va pas se développer normalement. Alors attention, un jeune qui se masturbe avant de terminer sa croissance, donc avant 21 ans, ça atrophie sa prostate, ce qui déclenche vers 40 ans l'apparition d'une maladie appelée prostatite. Alors, j'adore, parce qu'en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des études scientifiques qui ont été faites. C'est que la masturbation et le fait fait d'éjaculer, je crois que c'est à partir de 5 fois par semaine. En fait, quelqu'un qui éjacule en moyenne 5 fois par semaine, que ce soit un rapport sexuel ou une branlette, il a 33% de chances de moins de développer un cancer de la prostate et d'avoir des problèmes de prostate. Voilà, donc j'adore voilà, c'est-à-dire qu'il te dit exactement l'inverse. Attention fille, on peut s'irriter les voies génitales et se transmettre certaines bactéries par des mains sales. Et surtout, la masturbation répétée a un effet défavorable sur l'érection et peut causer des molles, hein, tu ne bandes plus. Parce que c'est l'habituation du cerveau à l'auto-érotisme. Du coup, parce que en fait, de se masturber, pour les nanas comme pour les mecs, tu vas du coup savoir comment te faire jouir, tu vas découvrir des choses, etc. Il y a pas mal de trucs où, pour contrôler les éjaculations trop rapides, mais justement, de te branler et d'arriver à retenir, ben, tu vas pouvoir faire durer ton plaisir plus longtemps. Donc en fait, il te dit l'inverse. C'est fantastique. Attention, continue. Il est normal de se sentir mal après s'être masturbé, car nous sommes faits pour avoir du sexe avec une seule personne dans le mariage. Arrêter la masturbation, c'est de la volonté. Savoir pour quelle raison on veut changer d'habitude. Donc, il conseille de diminuer au départ, hein, le plus possible la masturbation pour finir par arrêter totalement. Alors, dans l'autre article, hein, de 2012, c'est vrai qu'il est un petit peu plus... il donne un petit peu plus de détails. Hein. Il t'explique, attention, on part sur... moi, j'adore les explications similo-scientifiques. Je trouve ça absolument... fantastique. C'est-à-dire que le mec, il commence en te disant, selon plusieurs sources médicales, les bienfaits de la masturbation, ça améliore les performances masculines, ça prévient le cancer de la prostate, ça diminue le stress, ça augmente le plaisir à deux, ça favorise pour les femmes l'orgasme vaginal, ça améliore le sommeil, ça soulage la douleur. Et c'est vrai que c'est un très bon anti-stress, c'est un très bon somnifère, la masturbation. Donc, il te donne des trucs qui sont vrais. Attention, et là, il t'énumère tous les méfaits, quoi. Donc, ça entraîne l'impuissance ou la stérilité. Non, ça, il faut que je vous la lise parce qu'elle est magnifique. Attention, c'est parti, vous êtes prêts. Monsieur Aminé, j'arrive pas à retenir son nom. Monsieur Sérigné Lamine Barafal. Alors, attention, explication pseudo-scientifique. Il existe une veine qui amène le sang dans l'organe génital de l'homme. Une pratique fréquente de la masturbation entraîne un assèchement progressif de cette veine. Voilà, tu assèches ta veine, du coup ton organe n'est plus irrigué correctement, tes petites veines collatérales prennent la relève, elles se gonflent, elles s'abîment, et du coup au final, à force de trop te branler, eh ben du coup, paf, impuissance, absence d'érection. Et en plus, ça rend stérile. Parce que, en fait, de te masturber souvent, ton évacuation du stock de spermatozoïdes, ça fait une suractivité au niveau des testicules. Du coup, elle travaille fort pour reconstituer le stock. Et du coup, ça demande beaucoup d'énergie. Et après, la suite, au fur et à mesure, tu as de moins en moins de spermatozoïdes, quoi. Et après, tu es stérile. Alors, les nanas, on a un nombre au départ d'ovaires. Les mecs, en fait, tu produis des spermatozoïdes toute ta vie. Par contre, de bouffer de la merde, de bouffer des perturbateurs endocriniens à longueur de temps, ça joue clairement sur la qualité du sperme, on en a parlé la semaine dernière. Mais pas le fait de se branler, ça c'est pas vrai, voilà. C'est pas fini. Une personne hein, qui se trouve dans un tel état de faiblesse, donc vu que tu t'es masturbé, tu es donc impuissant et stérile, du coup, tu vas fuir parce que t'es trop mal, et tu vas être attiré vers l'homosexualité. C'est magique, cet article est magique, quoi. C'est-à-dire que, oh mon Dieu, t'es tellement mal que, oh, pour me punir, je vais devenir homosexuel. Mais au secours. Après, ça provoque une hypersensibilité sur lui. Et ça continue, et ça continue. Ça te détériore le foie, parce que le fait de sortir fréquemment du sperme, Du coup, il faut que tu aies de la tu épuises ton foie en fait. Et puis tu as le teint jaune et tu as des pertes d'appétit. Et pour les nanas, tu as des douleurs de sein, tu as un affaiblissement du cœur en fait. Donc après, tu as des évanouissements chroniques quand tu te branles trop. Hein. Et puis, du coup, pourquoi pas un infarctus quoi. Et du coup, tu as un mauvais fonctionnement du foie, du cœur, du cerveau. Et ça peut entraîner des maladies graves comme la paralysie ou des maladies nerveuses. Et du coup, la tuberculose aussi. Et après, t'es mort. Et là, tu te dis, waouh, waouh, waouh, waouh. En fait, tout ça, c'est des grosses conneries. Mais c'est des énormes conneries, quoi. Ne croyez pas tout ça. Vraiment, c'est des conneries. C'est scandaleux. C'est le genre de conneries qu'on te sortait au 19e, pas avec les mêmes termes. On y reviendra la semaine prochaine. Et c'est hallucinant. Alors après, oui, t'as des trucs où tu peux avoir, t'as des études, c'est pas encore très clair sur le sujet, sur des mecs qui, par exemple, n'arrivent plus à éjaculer quand ils ont un rapport sexuel avec une partenaire ou un partenaire. Mais là, on parle de... Parce que on est passé de la masturbation, c'est hyper mal, c'est hyper mal et c'est un péché, et tu te souilles et tu peux mourir, quoi. Tu le sauras la semaine prochaine, Zépo, ce qu'on en dit au 19e. On aura des petits détails avec les techniques pour s'empêcher de masturber. C'était assez magique. Du coup, on est passé de ça à... Après la révolution sexuelle, les années 70, ça devenait compliqué de sortir toutes ces conneries hein, autour de la masturbation. Donc du coup, on a arrêté au niveau médical de dire que c'était dangereux, nocif, etc. Et on a commencé à dire... Alors... La masturbation excessive, ça comporte des risques. Sauf qu'on n'a aucune base, il n'y a rien qui dit à partir de quand c'est excessif en fait. C'est, voilà. Après, tu peux avoir des gens qui se masturbent où ça devient une compulsion et où ça devient maladif en fait. Ça devient, mais c'est comme de la nymphomanie en fait. C'est que d'un coup, tu as besoin toutes les heures de te masturber, sinon t'es mal, t'es pas bien, t'es tout. Là, il y a un souci. Et là, t'es tombé dans une addiction en fait. Parce que le cul et le plaisir et le plaisir sécrété par tes petites glandes et tes hormones, etc. Et ben ça t'amène des substances à l'intérieur de ton corps, des hormones, les hormones du bonheur, les hormones du bien-être, j'ai plus le nom exact en tête, mais sérotonine, dopamine, tout ça, et tu peux devenir accro à ça. Il faut savoir que le plaisir sexuel est très lié au système de récompense dans notre cerveau et que toutes les addictions, toxicomanie, alcoolisme, machin, etc., c'est quand tu as tellement saturé ton système de récompense que du coup tu en as besoin tout le temps en fait. Donc oui, mais c'est comme tout en fait, mais la masturbation n'est pas nocive et la masturbation n'est pas honteuse. Promis, on va revenir pendant les semaines qui suivent sur le sujet de la masturbation. Parce que c'est un truc de fou. Et elle est naturelle et il faut savoir que tous les mammifères se masturbent. Voilà, tous les primates se masturbent. Et que il y a un gros truc autour de la masturbation et des conneries qui sont racontées sur les méfaits de la masturbation. En fait, ça part d'un truc très con, c'est religieux, c'est le sexe, tu peux que si c'est pour... Faire des bébés, quoi. Et ça, c'est fini. Les gars, on est en surpopulation. Putain, arroser un peu plus le gazon, quoi. C'est pas... On est trop. On est trop, quoi. On est quoi, 7 milliards, 8 milliards. On en est à bouffer je sais plus combien de planètes à la fois. Les ressources mondiales de la planète ont été épuisées au mois d'août. De toute manière, on est trop, alors arrêtons de croire que pour s'épanouir dans la vie, il faut à tout prix avoir un enfant, parce que c'est là que tu comprends, t'es une femme ou un homme, parce que tu as mini toi, et que tu vas laisser une trace immortelle. Mais tu laisseras pas de trace immortelle, on est des pets de lapin, quoi. Quand comparer votre temps d'existence par rapport au temps du cosmos, comparer le temps d'existence de l'humanité tout entière par rapport au temps du cosmos... On est que dalle, alors acceptons-le et arrêtons de vouloir et être immortel et être aimé inconditionnellement et régler nos problèmes de couple en faisant des enfants. Et oui, il faut faire des gamins, mais faisons des gamins que quand on a vraiment envie, on peut peut-être sortir de ce système du cerveau reptilien. Voilà, ce n'est que mon avis. Et surtout, arrêtons de propager ce truc de « tu niques que pour te reproduire ». Stop, c'était peut-être vrai un temps quand on était 300 sur Terre. On est bien loin d'être 300 maintenant. Voilà, voilà. Alors, on va s'écouter un petit peu de musique. On va s'écouter un petit morceau qui s'appelle « Emma » de Matmata. Il a un peu les glandes après Emma Peel parce qu'il a voulu se branler sur elle, mais ça l'a pas fait. Allez, Emma de Matmata. Il n'y a pas le son. Attention, il y a du son. Il y a du son! Ah! Branlez-moi! Et voilà, c'est fini, il faut vite que j'appuie sur stop, top, top, top, là. Donc c'était Emma de Matmata. Voilà, voilà. Alors maintenant on va passer à quoi? On va passer... Alors attends, pardon, excusez-moi. Hop, hop. Donc voilà, je viens de mettre en place un petit show de groupe. C'est quoi le principe du show de groupe? Ça veut dire que pendant un quart d'heure, vous pouvez acheter un ticket. Ce qui va vous permettre de voir le final de ce test sextoy. J'ai mis que 5 minutes parce que c'est un sextoy avec lequel je ne tiens pas longtemps. Il est extrêmement puissant, il est presque même trop puissant. On passe au test sextoy et on passe au test sextoy. C'est le sauna cruise de Lelo. Alors, ce truc, ce sextoy est juste monstrueux. C'est un aspi clito. Voilà, Lelo s'est mis à faire son aspiclito. Lelo a un petit temps, alors qu'ils étaient à un moment donné très puissants au niveau des vibrations, de leur gode, de choses comme ça, c'est devenu un peu plus bon, c'était... voilà. Et ils se sont dit, on va prendre le marché de l'aspiclito et on va envoyer grave sur la puissance. Eh ben, ils n'ont pas menti, ils ont envoyé du très très lourd sur la puissance, du extrêmement extrêmement lourd. C'est-à-dire que c'est l'aspi clito le plus puissant que je connaisse. C'est à la fois sa qualité mais son défaut. C'est-à-dire qu'il est presque trop puissant. Pour moi, il est trop fort presque. Voilà. Alors par contre, attention, score assuré. Hein, c'est-à-dire qu'au moment du show de groupe, quand ça va commencer, je vais pousser les meubles un petit peu. Parce que du coup, je vais en mettre partout. Voilà. Alors, du coup, on passe au test live. L'article complet, vous allez le retrouver du test sur mon site. Je vous mets le lien. Hop. J'ai mis un petit temps avant d'arriver à l'apprivoiser, ce sextoy. La première fois, en fait, j'ai squirté, si vous voulez, sans avoir joui. J'étais là. Mais non. Mais non. Parce que, oui, allons-y, allons-o, hein. Pétons un petit peu la tronche aux préjugés. C'est-à-dire que c'est comme pour les mecs, ce n'est pas parce que tu éjacules que tu as un orgasme. Voilà, mon téléphone est d'accord. L'éjaculation n'est pas synonyme d'orgasme, je sais. Souvent, ça va ensemble, mais pas forcément. Et bien là, j'ai expérimenté de squirter sans avoir joui. J'étais là... C'était hyper frustrant, c'était horrible. Alors, pour les mecs qui me diraient, oh, t'es trop con, toi t'es une meuf, tu dis n'importe quoi, on peut pas, t'es con quoi, un mec quand il éjacule, bah, forcément il a un orgasme, quoi, il jouit. Ok, alors on va reparler de masturbation. Vous voyez le moment où vous baisez avec une nana ou un mec et que, waouh, il y a une connexion de fou, il se passe un truc de fou et le moment où t'éjacules, tu peux pas t'imprimer de réprimer un. Tu peux pas réprimer ton ah et ça te et après tu fais ça t'a voilà tu as joui. Ok, la mauvaise branlette à deux balles où c'est très mécanique et ouais tu t'es vidé les couilles mais il y a pas de il y a rien, c'est ouais voilà c'est bon, je me vide les couilles, tu as éjaculé sans jouir. Voilà. Voilà, voilà. Donc, revenons à nos moutons, revenons à notre Lelo, revenons au sauna cruise. Attention, déballage, packaging. Alors, on est chez Lelo, donc on est sur une marque plutôt luxueuse, marque suédoise, qui fait fabriquer en Chine, rassurez-vous. On est sur des prix qui tapent un petit peu, mais qui sont quand même moins chers que les womanizers, puisque là, on est à 129 euros. Le dernier womanizer qui est top, hein. Cela dit, j'avoue qu'il est excellentissime, le womanizer premium, il est à 189 euros. Ça fait quand même un petit écart de 60 boules. Hein. Voilà, ça en fait des trucs avec 60 boules. Tu peux t'acheter un autre sextoy. Celui-là, il est à 129 euros. Attention, on y va, c'est parti, packaging. Déjà, c'est pas bon. C'est joli, hein. C'est beau. La boîte est noire en carton. C'est écrit en or. Vous voyez, le carton, il est un petit peu... on voit pas. Texturé, nid d'abeille, tout ça, c'est classe, c'est transparent pour voir le sextoy. Tu peux pas me la faire toute noire, ta putain de boîte, et le sextoy, je le verrai en ouvrant. Parce que ça, en fait, ben, c'est du plastoc qui sert à rien et qui pue du cul, quoi. Non, mais en même temps, vous inquiétez pas, hein, je casse les couilles sur les sextoys, mais il y a une petite nénette qui tient un bar en face de chez moi et qui vend des hot dogs, des petits gâteaux, des trucs comme ça. Je vais lui prendre un truc, genre un petit gâteau, et elle me le fout dans une espèce de petite barquette en carton avec du plastoc. Et là, elle galère à fermer la boîte et tout. Je dis, mais vous voulez pas passer sans déconner au petit sachet papier comme en boulangerie? Tu te fais pas chier à l'embarquer et t'as pas de plastique et ça va te coûter vachement moins cher à l'achat. Ouais, je sais, faut que je le fasse. Ben fais-le, quoi. Voilà, juste fais-le, en fait. Donc ça, plus... Oh, mon Dieu, de la mousse pétrolifère en masse, eh ben c'est moins un déjà pour les lots, hein. Voilà, c'est moins un. Par contre, on a une pochette de rangement, quand même, ils sont voilà. À part leur packaging qui est super luxe, mais super pourri écologiquement parlant. Eh bien voilà, le test sextoy s'est très bien passé, je ne suis pas morte, bien au contraire. Alors si vous voulez découvrir le test sextoy, rendez-vous sur mon site, hein, charlie-liveshow.com. Et puis, bah moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Before Two, une émission 100% culturelle. Bonne soirée, ciao ciao.